C'était un très bon début là. Tu vois, le changement de tonalité, ça enrichit terrible. T'es habitué à changer de tonalité toutes les 2-3 minutes. Plus tard, si tu veux, regarde ça sur internet, ça va t'aider énormément. Parce que tu joues super bien. Ouais, ça s'appelle les modes. Ionien.